بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc aujourd'hui le cours numéro 14 dans le livre de la prière dans عمدة الأحكام. فيقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه 25 ضعفا. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de l'homme en groupe est 25 fois plus élevée, est 25 fois meilleur que sa prière chez lui ou au marché. Chez lui ou dans son marché. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً فَإِذَا صَلَّ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرَ الصَّلَاةِ مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue en disant, et cela donc car lorsque celui-ci ahsana al-wudu, il fait ses ablutions et il les fait comme cela lui est demandé, de façon légiférée. Il fait ses ablutions de façon correcte. Puis, il sort, se dirigeant vers la mosquée, sans que rien ne le pousse à sortir en dehors de la salate. Alors, lorsqu'il fait cela, il ne fera pas un pas sans que cela l'élève en degré. Et que ses péchés lui soient pardonné. Donc pour chaque pas, un péché est effacé. Et lorsqu'il accomplit sa prière, alors les anges ne cessent d'invoquer en sa faveur tant qu'il reste à l'endroit où il a prié. Les anges ne cessent d'invoquer en sa faveur tant qu'il reste à l'endroit où il a prié. Allahumma afir lahu, Allahumma arham. Oh Allah, pardonne-le. Oh Allah, fais-lui miséricorde. وَلَا يَزَلُ فِي صَلَاتِ مَنْ تَظَرَ الصَّلَاتِ. Et il ne cesse d'être en prière tant qu'il attend la prière. مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ الْحَثُ عَلَى الصَّلَاتِ فِي الْجَمَاعَ كَمَرَئِنَا أَمْسِ. Et donc ce hadith, il incite à l'accomplissement de la prière commune, comme on a vu hier. وأيضا هذا الحديث فيه أن صلاة الجماعة تكون في المسجد ليترتب عليها الثواب المذكور. Et aussi il y a dans ce hadith le fait que la prière commune s'accomplit à la mosquée afin que la récompense citée s'applique à l'acte. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu 'ala salatihi fi baytihi wa fi souqihi 25 daraja. Et donc les savants ils ont tiré cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit la prière de l'homme en groupe est 25 fois mieux que sa prière chez lui, que sa prière chez lui ou dans son marché. Ils ont donc dit donc cette jama'a elle est où? Elle est à la mosquée. Elle n'est pas chez lui. فهذا هو الأصل لكن لو صلى المرء في بيته مع أهله هل ينال فضل الجماعة. Et donc c'est ça la base. La base c'est que la prière commune se fait à la mosquée. Mais si l'individu il accomplit la prière chez lui avec sa famille, son épouse, ses enfants, est-ce que il va atteindre par cela les mérites de la prière commune? فقد سئل العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فقال في القلب منه شيء والله أعلم. Et donc le Très savant, Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il fut interrogé concernant ce sujet. Est-ce que l'homme, s'il prie chez lui, avec sa femme, avec ses enfants, est-ce qu'il atteint les mérites de la prière commune? Le cheikh, il a répondu en disant, il y a dans le cœur, concernant ce sujet, quelque chose qui dérange. Pour vous dire que la personne atteint ce mérite à la maison avec sa famille, ça dérange. Ensuite, il a dit, Allahu a'lam. Et donc, moi, j'incite mes frères à ne pas délaisser ces grands mérites, ces grandes récompenses que l'on vient de voir, que l'on a vu précédemment hier et qu'on continue à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va même aller plus loin. On verra le jugement, on verra une partie du sujet, on n'aura pas le temps de tout voir. Quant au fait d'accomplir la prière à la maison, est-ce que donc la personne a péché ou pas ? وكذلك في الحديث الفرد العظيم لمن توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة. Il y a aussi dans ce hadith la grande récompense pour celui qui fait ses ablutions chez lui et ensuite qui va à la mosquée. Chaque pas que tu fais, c'est une récompense et tu es élevé en degré et des péchés qui sont effacés pour chaque pas. Comment est-ce qu'on va délaisser ça? Pourquoi est-ce qu'on va délaisser? Quelle excuse on va donner Yawm al-Qiyamah? Nous en aurons tous besoin de ces hasanettes. Comme on dit, lorsque le feu est présent en avant de l'individu et qu'il est trop tard, il ne peut plus rien faire. C'est à ce moment-là que tu regrettes d'avoir fait ces pas. Ces pas qui effacent tes péchés et qui te permettent de venir à la mosquée et de bénéficier de ce grand mérite. Les anges qui invoquent pour toi, Allah, ô Seigneur, pardonne-le. Et donc, les frères, ne délaissez pas cela. Ensuite, l'auteur, il nous suite le hadith suivant. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afqalu salati ala al-munafiqin salatul isha wa salatul fajr. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. Donc le hadith d'après, l'auteur qui nous dit, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière la plus lourde aux hypocrites est la prière du Isha et la prière du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans cette prière, dans celle-ci, ils seraient venus même en rampant. Certes, j'ai fermement décidé d'ordonner l'accomplissement de la prière, puis d'ordonner à un homme de diriger cette prière, de diriger les gens durant la prière, puis de partir avec des hommes qui ont avec eux des piles de bois attachées, en direction de ceux qui n'assistent pas à la prière, et de brûler leur maison avec du feu. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fi hadha al-hadith, وصف من أوصاف المنافقين وهو كونه صلاتي الفجر والعشاء ثقيلتين عليهم. Et donc il y a dans ce hadith une des caractéristiques des hypocrites, et c'est le fait que les deux prières, celle du Fajr et du Isha, elles sont lourdes pour eux. بل جميع الصلوات ثقيلة عليهم. Mais encore plus que cela, toutes les prières, en réalité, elles sont lourdes et difficiles pour les hypocrites. وَلَكِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَىٰ أَكْفَرِ. Et donc, toutes les prières sont difficiles pour eux, cependant, l'accomplissement du Fajr et du Isha sont encore plus difficiles à la mosquée. Pourquoi ? لِأَنَّ هَذَا الْوَقْتِ هُوَ وَقْتِ النَّاسِ يَسْتَرِحُونَ. Les gens, à ce moment-là, le matin tôt, ou le soir, ils se reposent. Et donc, il est difficile pour eux de venir à la mosquée participer donc à cette prière. Voilà pourquoi cela fait partie de leurs caractéristiques. Aux hypocrites, il leur est difficile de venir accomplir ces prières à la mosquée. أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. On a déjà cité ce hadith durant le khutbah, ce athar, cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud. On va le répéter, inshallah ta'ala. L'imam muslim qui cite dans son recueil, selon Abdullah ibn Mas'ud, qui dit « Man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman, fal yuhafidh ala haulai salawat, haythu yunada bihin, fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda, wa inna hunna min sunan al-huda, walau annakum sallaytum fi buyutikum, كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم لضللتم. Il dit, nous, Mas'ud, radiallahu anhu, celui d'entre vous qui serait heureux de rencontrer Allah demain en tant que musulman, alors qu'il préserve ses prières là où elles sont, là où l'appel de celles-ci est accompli. Car certes, Allah a légiféré pour votre prophète les sunan de la guider. Et certes, celles-ci, donc ces prières à la mosquée, font partie des sunan de la guidée, donc des voies de la guidée. Et si vous priez dans vos maisons, de la même façon que le fait celui qui prie, de celui qui délaisse la prière à la mosquée et qui prie à sa maison, vous allez quitter la sunna, la voie de votre prophète, et vous allez vous égarer. « Wa ma min rajulin yatatahhar fa yuhsinu at-tuhur » ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها به ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Et donc il continue ensuite, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, il n'y a aucun homme qui se purifie et fait sa purification de façon correcte, puis se dirige dans une de ces mosquées, sans qu'Allah écrive pour lui, c'est-à-dire lui accorde, sans qu'Allah lui accorde le fait qu'à chaque pas qu'il va accomplir, une bonne récompense pour chaque pas, et le fait qu'il soit élevé en degré pour chaque pas, et le fait qu'un péché, une mauvaise action soit effacée. Et certes, il y avait, donc, à l'époque des compagnons, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne la délaissait, cette prière à la mosquée. Personne ne la délaissait, sauf un hypocrite dont son hypocrisie était connue. Et certes, l'homme, il venait et il était tiré entre deux personnes pour être placé dans les rangs. Faites tachalloufou, ayyuhal ikhwa, an salatil jama'a min sifatil munafiqin, kema dhakartu lakum akthara min marra. Et donc le fait de délaisser la prière commune fait partie des caractéristiques des hypocrites, comme je vous l'ai cité plusieurs fois. Thumma hadha al-hadith fihi wujubu salat fil jama'a. Et il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est obligatoire d'accomplir la prière commune, en groupe. وَعَلَيْنَا أَوَّلًا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ الْمُرَادِ بِصَلَاتِ الْجَمَاعَةِ. Et donc il nous faut tout d'abord savoir qu'est-ce qui est voulu par la prière commune. الْمُرَادُ هُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ فِي أَوْقَاتِهَا لِأَنَّ هُنَاكَ صَلَوَاتِ جَمَاعَةَ لَا تَجِبُ. Et donc, ce qui est voulu par la prière commune, ce sont les prières, les cinq prières obligatoires à leur temps. Parce qu'il y a certaines prières qui sont communes, mais qui ne sont pas obligatoires. Elles n'étaient pas obligatoires de venir participer. Comme At-Tarawih. Et c'est ça qui est surprenant. Et ça, c'est très surprenant. Quand tu vois des personnes qui ne participent pas à une prière de toute l'année parmi les prières obligatoires à la mosquée, et Tarawih, il est là tout le mois. Tout le mois, il est là, Tarawih. Tu dis, Yahi, c'est pas obligatoire, Tarawih. Il est obligatoire, tu le délaisses. On ne te dit pas de délaisser Tarawih. Continue, c'est bien. Mais n'oublie pas l'obligation. N'oublie pas l'obligatoire. Tu vas me dire que les 5 prières par jour, tu n'arrives pas à venir, les 5. Allez, pendant toute la semaine, tu n'arrives pas à venir. Subhanallah, Ajib. Pendant Ramadan, on est là tous les jours. Franchement, souvent je le dis, les frères, il faut qu'on se rappelle, nous ne sommes pas des adorateurs du mois de Ramadan. Nous sommes des adorateurs d'Allah. Et nous ne sommes pas des adorateurs d'une divinité qui disparaît. Inna Allah hayyun la yamut. Comme il a dit Abu Bakr lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Abu Bakr il a dit: Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Celui qui adorait Muhammad, alors certes Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Et celui qui adore Allah, alors certes Allah est le vivant, celui qui ne meurt pas. Et donc c'est pas tu l'adores pendant Ramadan et après lorsque Ramadan est fini, c'est bon, on sait plus si t'as une divinité ou quoi. Non, continue. Continue, il est toujours là. Ta divinité est toujours là. Et donc continue. Wa zakartu lakum anna al-ulama ikhtalafu fi hukm as-salawat fi al-masjid jama'atan. Et donc je vous ai cité que les savants, ils ont divergé concernant le jugement de la prière à la mosquée, la prière en groupe. فالقول الأول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. Le premier avis, c'est que la prière commune est une condition pour la validité de la prière. C'est-à-dire, t'as pas prié à la mosquée, t'as prié chez toi, ta prière elle est bâtie là, elle est caduque. Et cet avis, on l'a déjà vu hier. C'est l'avis de qui? Al-Zahiriya. C'est quoi leur preuve? Ayo, barakallahu fik. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man sami'a an-nida fa lam yujibhu, et dans une autre narration fa lam ya'ti fa la salata la. Celui qui entend l'appel à la prière et qui n'y répond pas, dans une autre narration et qui ne vient pas, alors il n'a pas de prière. Il n'a pas de prière. Et on a déjà dit hier, donc en rassemblant les textes, que ce qui est voulu par là, c'est qu'il n'a pas de prière complète. Mais que la vie le plus juste, c'est que la personne qui accomplit sa prière à la maison, ou qui accomplit sa prière seule, sa prière, elle est valable. Mais maintenant, est-ce qu'il a fait un péché ou pas? Et c'est là qu'on arrive dans cette divergence. Et donc ce premier avis, l'avis de Zahiriya, il est marjouh. Et donc il est faible. El qawlu athani annaha sunnah. وهو قول الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي في رواية له أو عنه. Et donc le deuxième avis, c'est que l'accomplissement de la prière commune est une sunna, et c'est l'avis de la majorité des savants. L'avis de la majorité des savants, ce qui est voulu par là, c'est l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i dans un de ces deux avis. من أدلتهم حديث ابن عمر الذي رأيناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة. Le hadith, donc parmi leurs preuves, il y a le hadith qu'on a vu hier dans Sahihayn, le hadith d'Ibn Omar, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la prière commune est 27 fois meilleure que la prière de celui qui est tout seul. Elle est où la preuve ici? Elle est complète. Elle n'est pas annulée. Ça veut dire que... Un peu plus. Parce que là, la divergence, elle n'est pas dans est-ce que la prière elle est acceptée ou pas. Ça, c'est Abdahiriya, ils sont allés, ils ont dit qu'elle n'est pas acceptée. Maintenant, la divergence, c'est oui, elle est acceptée, mais est-ce que tu as un péché? Alors, elle est acceptée la prière. Mais maintenant, est-ce que tu as un péché ou pas? Est-ce que tu as délaissé une obligation ou est-ce que c'est une sunna, tu n'as pas délaissé une obligation? Elle est où la preuve dans ce hadith? Et donc, c'est la comparaison. Al-Muqarana. Les savants, ils ont dit... Ici, on a ismu tafdil. Et donc, on a donc une formule dans la langue arabe qui permet de faire la comparaison entre deux choses. La comparaison entre des choses. Et que l'une est plus que l'autre. Mais on n'utilise pas ce terme si les deux n'ont pas cette chose qui est citée. Ici, ce qui est voulu, c'est ce qui est mieux. Et donc, on affirme qu'il y a des mérites pour les deux. On affirme qu'il y a des mérites pour les deux. La prière commune et la prière en groupe. Mais que la prière en groupe a 27 fois plus de mérite que la prière commune. Mais ils disent donc, إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضلا لصلاة المنفرد. Ils disent donc, le prophète صلى الله عليه وسلم a affirmé ici dans ce hadith qu'il y a un mérite pour la prière de celui qui l'accomplit tout seul à la maison. واستدلوا أيضا بقصة الرجلين الذين لم يصليا مع الجماعة في سنن النساء فبقيا في آخر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله فقال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم فإنها لكم نافلة. Et donc, deuxième preuve, ils se sont appuyés par, aussi, ils ont utilisé comme preuve l'histoire des deux hommes qui n'ont pas accompli la prière en groupe dans Sunan al-Nasa'i, comme c'est cité dans Sunan al-Nasa'i. Ces deux hommes sont donc restés à l'arrière, écartés des gens. Le prophète, après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous ?» Ils dirent, « Ô messager d'Allah, nous avons prié chez nous. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit, « Ne faites pas, ne le faites pas, et si vous priez chez vous, et que ensuite vous venez à la mosquée, alors priez avec eux, priez avec les gens, et cette prière sera pour vous une surérogatoire. » Une prière surérogatoire. Elle est où la preuve ici? Que la prière commune n'est pas obligatoire. Elle est où la preuve dans cette histoire? Il ne les a pas blâmés. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أو عليهما كونهما صليا في رحالهم مع أن الموقف هذا يقتضي أن يبين كذلك هذا يقتضي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الصلاة في البيت. Et donc ces savants, ils ont dit, la majorité des savants, ils ont dit que ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas reproché, il ne leur a pas blâmé le fait qu'ils ont prié chez eux. Mais en fait, il leur a blâmé le fait qu'une fois qu'ils sont venus à la mosquée, ils se sont écartés, ils n'ont pas prié avec les gens. Mais il ne leur a pas blâmé le fait d'avoir prié chez eux. Et ils ont dit, et aussi, le prophète, il ne leur a pas expliqué qu'il est interdit de prier à la maison, mais qu'il est obligatoire de prier en groupe. Alors que là, c'est le moment d'expliquer. Et donc, le prophète, ce qu'il leur a reproché, c'est le fait d'avoir délaissé le groupe lorsqu'ils sont venus à la mosquée. Mais, ils disent, les savants, donc, il ne leur a pas reproché d'avoir prié chez eux. El Korlou et Thalith. Le troisième avis. Wahoua El Korlou Fani li Shafi'i. Le troisième avis, c'est le deuxième avis de l'imam Shafi'i. C'est quoi? Non. Fard kifaya. Obligation communautaire. Idha qama bihi al-ba'd saqata al-ithm 'an al-akharin. Une obligation communautaire. Ce qui est voulu par là, c'est que si certains vont l'accomplir, cet acte, la prière commune, alors tous les autres ne prennent pas le péché. Mais par contre, si personne n'accomplit la prière commune, tout le monde prend le péché. On est ici à Villeu. Et donc, on est ici à Villeru. Et donc, on est tous à la maison, on se dit, Inch'Allah, Inch'Allah, aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir prier à la mosquée. Personne n'est venu. On prend tous le péché. Il y en a deux qui viennent pour la prière. Voilà, khalas, alhamdoulilah. Personne n'a pris le péché. Et donc, donc il n'y a pas donc forcément d'obligation pour ceux qui ne sont pas venus. Et donc, ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Hafidah rahimahullah ta'ala, et c'est l'avis qui est le plus connu de l'imam Shafi'i rahimahullah. Et il se base sur quoi? Quelles sont ses preuves? Il prend les preuves de ceux qui voient que la prière commune est obligatoire à la mosquée, et les preuves de ceux qui voient que c'est une sunna. Et donc après, il dit que c'est donc une obligation communautaire. Le quatrième et dernier avis, anna salat anna al-jama'a wajibatun. Le quatrième et dernier avis est que la prière commune est obligatoire à chaque individu. Ce qui est voulu par là, tous les hommes, pas les femmes. Est obligatoire à tous les hommes donc qui sont proches de la mosquée et qui peuvent y aller aisément. Et demain, incha'Allah ta'ala, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de preuves qui montrent que la prière, elle est obligatoire à la mosquée. Et demain, on va aborder les preuves qui montrent qu'elle est obligatoire. Et on va débattre avec les preuves qui ont été citées aujourd'hui qui montrent qu'elle n'est pas obligatoire. On arrête donc là pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.